Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8. Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Entrée sans payer. Cette émission vous est offerte gracieusement par le ministère de la Propagande et de l'Information bienveillante et consciente. Elle est garantie sans fake news et sans pensée subversive. Elle a pour but de vous conscientiser sur la décroissance vertueuse et responsable. Attention, il est impératif d'écouter cette émission durant le temps réglementaire minimal de 30 minutes. Tout zapping contrevenant à cette règle pourra être puni d'une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Nous vous rappelons également qu'il est fortement déconseillé d'écouter cette émission au-delà d'un volume sonore qui pourrait nuire à votre bonne audition. De plus, si vous l'écoutez au casque, veuillez pour votre sécurité n'utilisez que du matériel certifié NF et respectueux du bien-être magnétocosmique des baleines transcendantales. Nous vous rappelons également que le port du casque est obligatoire dans les lieux publics. Soyons tous vigilants face à la propagation incontrôlée du virus de la gratuité. Si vous êtes actuellement au volant, veuillez par ailleurs ne pas sortir du véhicule par la portière avant son arrêt complet. Enfin, nous vous rappelons que vous devez impérativement être muni d'un permis d'écoute radiophonique, sous peine de voir votre matériel saisi, votre famille torturée et spoliée, votre mémoire détruite. De même, vous pourrez être déchu de vos droits, séquestré, roué de coups par la police nationale. Et bien entendu, mise à mort dans une procédure réglementaire. Yeah. Et de retour dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8, une émission consacrée entièrement à la gratuité et à la culture libre. Gratuité, et si on allait jusqu'à ce que la nourriture soit gratuite ? Impossible, me direz-vous. Et pourtant, qu'est-ce qui rend cela impossible ? En quoi ça paraîtrait si compliqué ? Donc pour parler de ça, on invite aujourd'hui Salomé Grasset, qui appartient au projet, qui est salarié dans le projet Les Incroyables Comestibles. Donc Salomé, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends bien. Très bien. Alors donc, Salomé, tu vas nous parler un peu de ce projet-là, les Incroyables Comestibles, donc qui, on va dire, est focalisé sur la question des pratiques et des réflexions autour du jardinage gratuit, notamment. Oui, tout à fait. Voilà. On va même oui, je t'écoute. Plus loin que ça. Oui, bien sûr, voilà, c'était pour présenter un peu, grosso modo. Oui, Et on se souvient, dans certains villages, on a vu apparaître pendant un moment des bacs incroyables comestibles. Ça a été une petite révolution à l'époque. Donc moi, c'est un peu le souvenir que j'ai. Après, je connaissais le projet par ailleurs, mais donc ça a été, et un peu aussi avec une grande liberté de pouvoir refaire, de pouvoir donc propager ces bacs. Donc voilà. Donc, toi, Salomé, comment t'es arrivé à ce projet ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours à ce niveau-là ? Oui. Est-ce que vous voulez que je repositionne un peu ce que sont les incroyables comestibles avant de vous parler de mon parcours ? Eh bien, c'est une bonne idée. Voilà, comme ça, tout le monde sera fixé. Parce que souvent, effectivement, les incroyables comestibles, c'est un mouvement citoyen qui est mondial, qui s'est propagé effectivement partout en France à partir de 2012. Oui. Mais qui est né en Angleterre, à Tonmorden, quelques années auparavant. Oui. Et qui fait sens dans le contexte actuel et qui était déjà à l'époque un contexte de crise économique et avec cette question que se posaient déjà quelques citoyens et j'ose dire citoyennes puisque ce sont des femmes qui ont lancé ce mouvement en questionnant tout simplement les habitants sur l'idée que comment on fait pour manger sainement, comment on fait pour manger localement et garantir cette sécurité alimentaire au sein d'une ville ou d'un territoire assez local, quoi. Oui. En particulier Tonmorden, parce qu'ils étaient très dépendants des produits extérieurs, et puis ils se sont dit, mince, il faut qu'on se réapproprie un peu notre nourriture. Et à partir de là, comment on fait ? Et alors, a émergé l'idée de cultiver des espaces publics, tous ces espaces qui sont communs, qui nous appartiennent, et sur lesquels finalement on peut à la fois régénérer l'environnement au sens de la terre, et puis pourquoi pas créer des liens aussi, régénérer ce qui fait sens pour nous, à savoir le partage, le faire ensemble, et puis l'apprentissage sur ces espaces. Voilà, donc ça a débuté comme ça et ça a formidablement pris dans cette petite ville d'Angleterre de 16 000 habitants à l'époque, avant qu'il y ait cette propagation, ce rayonnement jusqu'à la France et dans bien d'autres pays dans le monde. Voilà, donc en France depuis 2012 et puis cette initiative a été structurée en association. Oui. Afin de garantir aussi un cadre, une éthique qui est très forte au sein des incroyables comestibles et qui rejoint celle de la permaculture, qui est celle de prendre soin de l'homme, de soi et des autres, prendre soin de la nature et puis partager les ressources. Donc on est vraiment sur ce socle de la permaculture qui est aussi au centre des incroyables comestibles. Voilà, donc une association qui a une charte fondamentale et qui permet à tout à chacun de cultiver partout où c'est possible, avec l'idée de la gratuité, du partage, et dans un élan de solidarité et de liberté, vraiment de cette liberté d'être citoyen, sans appartenir à un parti politique, sans avec une certaine émancipation et une autonomie dans ce mouvement qui vise Je le rappelle toujours, l'autosuffisance alimentaire des territoires. Rien que ça. Non, mais c'est un très bon objectif. Enfin, il me semble oui. que c'est la base, peut-être. Aussi, bah, osons rêver grand. Voilà, exactement. Et je dirais que c'est aussi prendre le taureau par les cornes, parce que voilà, bon, si on veut une société dans laquelle, effectivement, le partage est mis en avant, la gratuité, toutes ces valeurs-là qui sont des valeurs très chouettes, bon, ça, ouais. et très pragmatiques, bah, peut-être la nourriture est un peu le fondamental, on va dire. Enfin, oui, c'est vraiment cette idée, oui. Le pilier, voilà, et on, bah, comme vous le dites, c'est ce qui définit notre bien-être, c'est ce qui va nous apporter du réconfort et c'est ce qui va nous permettre une vie décente aussi. Cet accès à la nourriture, il est primordial, il est essentiel et puis il est malheureusement très, très, très différent d'une contrée à une autre. Oui. Donc, voilà, remettre ça au cœur, c'est aussi faire preuve d'autonomie et puis se faire confiance dans ses capacités de produire finalement par nous-mêmes, de reconnecter à ces savoir-faire qu'on a un peu perdu dans ce monde matériel. Bon, j'ose le dire, matérialiste qui nous pousse à la consommation plus qu'à l'autonomie finalement. Oui. Et alors. Tu parlais tout à l'heure de permaculture, que donc ça fait partie des peut-être un des objectifs de promouvoir et de pratiquer la permaculture dans les incroyables comestibles. Oui. Oui, tout à fait. La permaculture étant n'étant pas reliée uniquement au jardin, mais à l'idée que voilà, on va monter des projets et comment on donne l'élan à ces projets, comment on prend sa place chacun à l'intérieur de ces projets collectifs, dans le faire ensemble. Et c'est là où la permaculture intervient en tant que boîte à outils qui va questionner le comment on fait ensemble, mais aussi dans un contexte qu'on souhaite voir émerger, hein, d'un point de vue éducation, d'un point de vue ressources, d'un point de vue action, comment tout ça se met en place. Donc c'est aussi une éthique très forte, oui. Et puis voilà, pas uniquement relié au jardin, mais vraiment à ces projets, c'est des projets plus ou moins grands qui deviennent collectifs lorsqu'on décide individuellement de faire sa part et de réunir avec nous un petit groupe d'habitants qui permettent après l'émergence de ces initiatives partout. D'accord. Alors ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, dans la démarche des incroyables comestibles, on ne peut pas découpler, on va dire, cette idée de communauté, de faire ensemble. Donc voilà, on pourrait parler de lien social, mais disons de construire une communauté qui va avoir son originalité, sans doute, avec une pratique centrée autour de l'alimentaire. C'est deux choses indissociables. Oui. Oui, tout à fait, parce que ça part d'un besoin individuel, mais l'émergence et la force de ce mouvement citoyen, c'est effectivement la reliance qu'on va trouver avec les voisins les plus proches, avec les amis, au sein de, pourquoi pas au sein de nos structures, de nos entreprises, parce que tout seul, on peut faire plein de choses, mais ce qui va importer aussi, c'est comment on communique ça et comment on inspire ce changement, sans oui. essayer de convaincre, mais juste incarner ce qui est bon pour nous et savoir le en parler, inspirer et quand on est en collectif, eh bien ça donne une vraie force, ouais. Cette idée de solidarité derrière. Oui, tout à fait. Et du coup, concrètement, alors on se pose la question comment ça peut fonctionner cette appropriation collective des espaces publics et aussi peut-être parce qu'il ne faut pas négliger ça non plus, mais quel type de problème on peut rencontrer et comment les communautés arrivent à les solutionner. C'est un peu... J'ai posé beaucoup de questions, mais... merci d'en poser, ça guide les échanges et puis ça permet d'avancer dans ce récit, puisque c'est vraiment un récit, ouais. C'est un processus qui se met en place. Je pourrais vous parler de mon parcours en parallèle. Oui, tout à fait. Puisque moi je l'ai vécu avec cette unicité, chacun va le vivre différemment. Je le disais, donc le mouvement, il est vraiment libre et il s'émancipe, puisque la coordination aujourd'hui de l'association en France est là vraiment en soutien, en accompagnement des groupes locaux, des personnes individuelles qui souhaitent se lancer, qui ne savent pas comment commencer. Donc nous, on est là pour donner des outils et puis pour donner une force, un socle assez solide à ce mouvement via un plaidoyer, via l'idée des conventions qui permettent aujourd'hui à tout un chacun de cultiver les espaces publics. Donc essayer de faciliter cette démarche. Mmh. Alors concrètement, ça part d'une envie individuelle avant d'être collective. L'idée de j'ai envie de faire ma part, j'ai envie de contribuer à ça. Et comment je le fais ? Eh bien, je vais créer un espace devant chez moi. Alors au départ, s'il n'y a pas d'autorisation pour cultiver l'espace public, ça va être en limite de propriété, pourquoi pas ? Ça va être pourquoi pas dans l'école de mes enfants ou au sein de mon entreprise. Ou voilà. L'idée étant de créer un espace de... un espace nourricier, un jardin nourricier à partager, plus ou moins grand. Ça peut partir d'une jardinière. Mais l'idée étant de communiquer directement sur place en disant, moi je fais ma part, je crée un potager et servez-vous, c'est gratuit. Mais n'hésitez pas aussi à vous en occuper, arroser, planter, semer, c'est libre. Et donc ce message affiché directement sur site, il est des plus importants puisque c'est là où on va observer cette responsabilité qui est la nôtre de vouloir contribuer ou pas. Donc c'est très fluctuant. Oui. Ce sont des espaces qui peuvent être vraiment, je disais, très très simples, à partir d'une jardinière, ou bien beaucoup plus grands sur des jardins partagés qui peuvent atteindre plusieurs dizaines ou centaines de mètres carrés. Donc là, c'est là où intervient le collectif, puisqu'il y a l'idée de comment on fonctionne ensemble. Donc pour ma part, j'ai commencé avec cette idée de je vais faire un bac de nourriture à partager devant chez moi, oui, avec mon conjoint et nos deux enfants. Et puis on a invité les enfants du quartier à planter avec nous. Donc on était en limite de propriété à l'époque, puisque j'ai voulu le faire d'un coup de tête après avoir vu le film Demain, qui, je pense, n'a pas chamboulé que moi. Très bon film, je dis. Très très bon film, ouais. Ouais, ouais. Je m'en lasse pas. Il est vraiment puissant puisqu'on cherche des solutions à tout ce qui arrive et que le constat n'est pas trop amer, il est plutôt tourné vers le positif. Mmh. L'idée de créer un premier espace et puis tout de suite de faire intervenir aussi la presse locale pour dire moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de lancer ça dans ma commune. L'idée de se prendre en photo du coup devant le panneau pour rejoindre cette grande communauté des incroyables comestibles et identifier par ces photos que les gens prennent devant les panneaux de leur commune. Donc on se prend en photo et puis on adresse ce message. Et après, c'est une volonté de fédérer. Donc il faut avoir aussi un état d'esprit dans un élan citoyen, solidaire, qui ne nous appartient pas, avec vraiment cet élan du cœur, quoi. Cet élan du cœur qui va grandir au fur et à mesure de cette aventure, puisqu'on est loin de s'imaginer tout ce qui peut se passer derrière. Et c'est là toute mon expérience depuis 2016. Donc ce premier bac, et puis les voisins dans la rue qui ont dit « Ok, on a envie de vous suivre », et puis eux aussi ont créé leur potager devant chez eux. On l'a fait ensemble, lors d'une journée où on a bloqué la rue, on s'est fait une méga tablée, quelque chose de très festif, qui a vraiment lancé les incroyables comestibles dans la commune où j'habite actuellement, qui est de 7000 habitants, en Bretagne, à Pleurtuis. Et donc cette rue, elle est devenue comestible. Pour les passants, pour les habitants. Et en fait, on y suivi vraiment beaucoup d'actions, puisque à l'époque, on n'était encore pas associatif, mais collectif, et on s'amusait à créer bien d'autres projets. On a été assez rapidement parler avec les citoyens élus de notre commune, qui sont le maire et les adjoints, et puis les services techniques. Et au départ, la communication était compliquée, puisqu'il y avait un cadre qui était un peu flou à cette initiative. C'est très, très novateur et ça peut faire peur. Il y a énormément de... Enfin, énormément. Il y a quelques... quelques peurs, quelques freins qui peuvent en découler. Et donc c'est important aussi de poser un cadre. Voilà, donc collectif ou associatif, l'idée étant de bien expliquer ce qu'on fait et puis de rassurer et puis de faire l'expérience, puisqu'on parle d'une expérience vraiment sans avoir un objectif concret de ça va se passer comme ça et puis je vous le garantis. C'est pas là le processus, c'est plutôt on s'essaye et puis on s'améliore au fur et à mesure peut-être. Processus d'amélioration. On crée quelque chose qui n'existe pas. Donc oui. On observe ce que ça génère au sein d'une ville plus ou moins grande, d'un quartier. Ça crée ce premier élan, quoi. Alors c'est très intéressant parce que dans le jardinage, il y a tout un processus de recherche au sens large, oui, hein, c'est-à-dire on est tout le temps en train de se dire pourquoi ça pousse pas. mais c'est souvent, on va dire, un processus un peu individuel. Et là, dans ce que tu dis, c'est quelque chose qui finalement prend une forme plus collective. Donc on intègre une dimension sociologique presque, on pourrait dire. Oui, complètement. Complètement. Il y a cette envie aussi de faire de la pédagogie active, d'être dans, je disais, la communication sur site, la communication via les journaux, la presse locale, qu'elle soit de différentes formes, les réseaux aussi, Facebook, tout ça. Il y a vraiment cette idée de partager cette idée. De la diffuser. Et puis, de la diffuser, ouais. Et puis voilà, après, inscrire le nom des légumes, avoir une approche à la fois qui nous appartient et qui peut être vraiment, j'allais dire, drôle. Et il faut oser peut-être faire différemment que le conventionnel, que dans un langage où nos rapports aujourd'hui sont plus ou moins distants. Là, l'idée, c'est de recréer un peu cette chaleur humaine autour de ces espaces où il va se passer des choses. Et puis, rien que l'idée de le faire ensemble et de créer des structures, des potagers qui vont être innovants aussi d'un point de vue agriculture urbaine, puisque là, la permaculture d'ailleurs intervient dans ce sens, parce qu'on va créer des méthodes, on va s'inspirer de la nature pour avoir des jardins qui peuvent résister un maximum à la sécheresse, pouvoir stocker l'eau, utiliser des ressources, je parle de déchets en ressources, auprès des entreprises locales. On va inviter chaque citoyen à ramener aussi ses propres ressources. Et là, ça part de nos épluchures, mais ça peut être le compost, ça peut être les tontes de pelouse, les tailles de haies, on va broyer ensemble, Donc on va mutualiser comme ça ces connaissances et puis on va s'essayer à faire ces potagers qui sont inspirés du jardin au naturel et de la permaculture, au sens où on va essayer de recréer des écosystèmes relativement résilients, au sens résistant à la sécheresse, en capacité de refertiliser, de régénérer des sols qui sont complètement appauvris, quoi. Surtout en ville, en tout cas. D'accord. Donc on voit qu'il y a un objectif un peu environnemental, on va dire aussi. Oui, complètement. Complètement. Alors Salomé, on va s'écouter un petit morceau de musique qui s'appelle Square One. Et tout à l'heure, on écoutait Tantalizing You. Voilà, désolé pour l'accent. Et on se retrouve dans 4 minutes. À tout de suite, Salomé, pour nous parler des incroyables comestibles. I'm chanting and I'm ranting to distract myself from what was never good. I'm ranting, indifferent something else when you got less than 30 years under the hood. When did it all turn bad? When did we become old? When did we measure our awkwardness and why? I solemnly swear to get out of here as soon as I'm good to pay the bill. Cause all I hear is noise, noise, noise. Boys, boys, boys. boys, boys. So let's go. I'm prudent, so prudent. You find my arrogance speaking from every other song. Diluted, for years we failed to see we're locked and loaded pretty much all along. When did our turn bad? When did we become old? When did we measure entertainment and wine? A diamond in the sand, barely 2 feet from your hand, but you take it just for glass and the sunshine. Cause all you hear is noise, noise, noise. Boys, boys, boys. You can't admit the allegations. And all you hear is noise, noise, noise. Boys, boys, boys. So let's go. Entertainment and wine. A diamond in the sand, barely 2 feet from your hand, but you take it just for glass in the sunshine. In the sunshine. Cause all we hear is noise, noise, noise. Boys, boys, boys. We can't admit the allegations. And all we hear is noise, noise, noise. Boys, boys, boys. Let's not admit the allegations. Cause all we hear is noise, noise, noise. Boys, boys, boys. All we hear is noise, noise, noise. And all we hear is noise, noise, noise. Boys, boys, boys, boys. So let's go. Et nous voici de retour dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. L'émission Entrée sans payer dans laquelle nous recevons aujourd'hui Salomé Grasset. Salomé, tu nous entends encore ? Oui. Donc on est en train de parler du projet Les Incroyables Comestibles. Là, on en était un peu à la question de la dimension environnementale. Alors, moi je me pose d'emblée une question, c'est... comment on peut concilier cette dimension environnementale avec le principe de gratuité ? Alors évidemment, moi je suis plutôt convaincu que c'est faisable, mais on peut avoir un discours, on va dire, un peu contradictoire qui dirait « oui, mais si c'est gratuit », alors on parle notamment du pillage des ressources naturelles, des choses comme ça, chez... Donc voilà, est-ce que ça, comment c'est réfléchi, pensé à l'intérieur du mouvement ? Ben c'est ça qui est intéressant, parce que dans notre culture occidentale, on n'a pas vraiment, on n'a pas l'habitude de cette gratuité. On le voit aussi aujourd'hui avec d'autres initiatives d'épicerie solidaire, de partage comme ça, gratuit, de matériel ou autre. Oui. C'est toujours un peu déroutant. Mais c'est toute l'idée aussi que de vouloir encore inspirer, mais plus que ça, essayer d'avoir un autre cheminement de pensée. Et c'est en ce sens que c'est peut-être un peu déroutant. Mais l'un des messages des Incroyables Comestibles, c'est que ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. À partir de là, ces potagers, effectivement, l'expérience peut nous faire dire... ces ressources, elles peuvent être mises à disposition et cueillies comme ça, gratuitement. Effectivement, ce sont des citoyens qui vont planter et ce sont d'autres personnes qui vont récolter peut-être. Dans la démarche, il y a cette idée peut-être de se détacher du résultat ou d'attente ou d'objectif. Quand on fait cette démarche, on le fait, je le disais, avec un élan de solidarité, un élan du cœur. Et du coup, ça a trait vraiment à quelque chose de généreux qui n'a pas vocation à être maîtrisé et contrôlé par la personne qui va mettre en place cette initiative. Alors bien sûr, il y a un suivi, il y a l'idée que ces potagers puissent vivre avec la référence, quelqu'un de référent qui veille quand même à ces espaces. Mais voilà, cette personne, elle développe en elle quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de développer au sein de nos activités, mais qui est précieux pour le monde à venir, c'est vraiment cette idée de solidarité, quoi. Donc c'est assez puissant, et c'est en ça que ce mouvement, moi, m'a beaucoup apporté, puisque lorsqu'on a commencé à faire notre part, à vouloir partager cette idée, à se dire « Ok, comment on fonctionne ensemble? Ça m'appartient pas. Comment chacun va prendre sa place au sein de ce projet ?» Moi j'ai fait du chemin depuis. Au début j'ai contrôlé un peu le truc. Ok, c'est devenu une association, j'en ai pris la présidence, et puis en fait étant moteur, c'était pas forcément évident pour chacun de trouver aussi sa façon de prendre son rôle, quoi, à l'intérieur de cette initiative. Oui. Et puis finalement, ça a cheminé. Il y a eu vraiment c'est très fluctuant lorsqu'on crée quelque chose. Il y a toujours cette phase d'émergence qui fédère, qui donne un élan certain. Elle est plus ou moins solide, cette phase d'émergence, mais elle peut être vraiment importante. Et c'est ce qui va donner un peu le tempo futur des initiatives qu'on porte. Mmh. Et puis, il y a forcément cette phase un peu de stagnation. Voire même de baisse un petit peu d'énergie, de motivation, puisqu'on s'habitue, on a besoin de se renouveler aussi à l'intérieur de ce qu'on fait, et ça c'est valable pour chaque organisation, et ça devrait l'être d'ailleurs à un point de vue encore plus global. Mais du coup, voilà, il y a comment on va se renouveler, comment on va garder cette dynamique et en tout cas permettre à tout un chacun d'y accéder et puis de s'en emparer, quoi. Oui, tu veux dire de s'emparer de cette dynamique, enfin d'apporter ses propres énergies ouais. au mouvement, ouais. Enfin, qui pour le coup là, de ce dont tu parles, c'est, on va dire, une dynamique de groupe, ouais. au sein d'un village, ouais, ou... tout à fait. Oui. Voilà, sachant que ça peut vraiment être... les initiatives sont très nombreuses. Je parlais de commencer un potager devant chez soi, mais ça peut être dans l'école de ses enfants, ça peut être dans un EHPAD, en mêlant comme ça tous les acteurs qu'on va aller voir. On va faire un travail peut-être d'observation de ces ressources humaines, matérielles, naturelles. On va essayer de fonder un peu cette initiative sur quelque chose de gratuit, encore une fois, qui va pas nous demander plus d'énergie que déjà celle la plus importante, qui est notre temps. Et justement, pour se respecter à l'intérieur, eh bien voilà, comment on va partager cette énergie, cette ressource, et puis aller chercher les forces vives qui vont permettre de passer du rêve à la réalité. Puisque tout part d'un... Aujourd'hui, j'en ai aussi fait mon activité professionnelle. Je le disais, du coup, j'ai été bénévole de nombreuses années au sein du mouvement. Oui. Et puis à la coordination nationale depuis 2018. J'en ai quitté mon ancien métier en fin 2018. Et puis moi, je me suis formée. Donc vraiment, tout est lié à ce que j'ai pu observer et vivre et transcender quelque part, au même titre que d'autres amis qui se sont mis à cultiver leur propre jardin, à manger différemment. Je parle de nourriture bio, vraiment à se questionner sur quelque chose qui est devenu essentiel aujourd'hui pour se responsabiliser et puis contribuer à d'autres valeurs, à quelque chose de plus respectueux de l'environnement. Donc l'alimentation au centre de ça. Et du coup, moi, je me suis formée à la permaculture pendant 2 ans. Et bah, je me suis reliée à beaucoup d'écolieux, beaucoup d'initiatives collectives, comme celle d'habiter ensemble, de cultiver des espaces, de voilà aussi d'entreprises, hein, de différentes façons de faire ensemble. Et donc voilà, j'en ai quitté mon travail. Il y a eu différentes périodes de questionnement et d'approfondissement. Ça n'a pas toujours été très très confortable, mais aussi beaucoup de rencontres. Et puis bah, c'est ça aussi la grande richesse et la grande force des Incroyables Comestibles, c'est de donner l'élan à des projets derrière qui sont bah, qui vont naître de ça en fait, qui vont prendre cette puissance de bah voilà, quand on se met dans l'action, on est loin d'imaginer tout ce qui va en découler. Ça c'est sûr, il y a une part imprévisible, enfin une grande part d'imprévisible. Oui. Surtout oui, dans une action collective. Des valeurs, ouais, tout à fait, tout à fait. Un peu comme les plantes. Mon entreprise. Comment ? Un peu comme les plantes, on sait pas, il y a toujours une part d'imprévu dans le jardinage. C'est ça. On observe, on expérimente, il n'y a pas d'erreur, on va se questionner, mais surtout on ne va pas se jeter la pierre ou se dire ah, je suis nul, voilà, moi je suis pas en capacité de nanana. Ça, on est très fort pour ça et on est notre pire juge. mais en fait, lorsqu'on se relie simplement à cette volonté d'agir, quoi qu'il advienne, bah, finalement, cet élan-là, il est plus fort que de se dire bah, voilà. Non, c'est important, je pense, de reconnecter juste à ça et puis bah, voilà, de prendre confiance, parce que c'est comme ça qu'on est le plus utile à la société, le plus efficient dans tout ce qu'on fait, et puis ben, c'est de ça qu'on a besoin de voir chez les autres. Alors bah ben, si on l'incarne soi-même, ça inspire vraiment ça nous permet de mieux communiquer en tout cas. Alors dans ce que tu dis, moi il y a quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que donc tu parles de la coordination nationale. Mais on sent que le cœur de l'action est quand même beaucoup plus ancré sur le terrain, quoi. Alors que ce soit au niveau individuel ou collectif. Et ce modèle est intéressant parce que finalement, si je comprends bien, et tu vas pouvoir approfondir là-dessus, mais c'est-à-dire que la coordination nationale a vraiment un rôle minimaliste, entre guillemets. C'est simplement donner du soutien, mais elle n'est pas directive ou relativement peu, j'imagine. Comment ça s'articule, ça, entre les communautés et la du local au global. Voilà, parce que voilà, bon, bien souvent dans des projets associatifs à grande échelle comme ça, les personnes qui rentrent dans ce type de projet souffrent d'une trop forte directivité ou d'un manque de liberté dans les possibilités d'action. Voilà, donc comment ça s'articule concrètement entre les deux, entre le local et le global, on va dire. Oui, c'est vraiment intéressant parce que bah, les Incroyables Comestibles, c'est peut-être quelque chose effectivement d'assez d'assez différent, je le disais, émancipé de beaucoup d'autres directives, ouais, avec cette idée d'être libre et d'être des personnes ressources au service d'une communauté. Donc au niveau national, il y a une coordination de 9 personnes qui s'est renouvelée à plusieurs étapes du projet. Un renouvellement entier en 2018, avec un premier groupe de personnes qui ont vraiment posé le socle des Incroyables Comestibles en France, donc avec une vraie identité à ce mouvement. Une démarche aussi hein, qui garantit un processus, finalement un cadre qui est très libre, mais un cadre quand même dans lequel on va pouvoir créer. C'est-à-dire qu'il y a une méthode en plusieurs étapes, à savoir celle de se prendre en photo devant le panneau de sa ville, de communiquer autour de soi, d'aller voir les élus, d'approfondir cette démarche. Et chacun le fait avec ses outils et puis de la façon dont il a envie de le faire. Mais en tout cas, elle existe, cette méthode, et elle est mise en ligne sur le site des Incroyables Comestibles France. Donc c'est aussi poser tous ces outils là pendant 6 ans. Ces personnes-là ont vraiment fait un travail incroyable, très que j'honore profondément, parce que c'est ce qui a permis au mouvement de rayonner tel qu'il est aujourd'hui, avec toute la puissance qu'il a à un niveau maintenant mondial, là où ces personnes, du coup, ont su aussi en parler, voyager, aller sur le terrain et l'incarner de cette façon, puisque à la base, ils en sont aussi acteurs. Donc ça permet effectivement de ne pas perdre pied et d'être complètement, quand vous dites sur le terrain, agir et le vivre. Donc au sein de l'incroyable coordination, il y a 9 personnes. Ça s'appelle comme On pourrait l'appeler comme ça. Mais c'est la coordination. Moi, quand je communique avec l'équipe, c'est l'équipage. Ok, on est tous dans le même bateau. Là, on est un équipage bénévole. Excepté donc mon travail de salarié, donc coordinatrice du mouvement depuis janvier seulement de cette année, là où il y avait déjà une coordinatrice qui a pris congé quelques temps, elle attendait un bébé, et puis il y a eu diverses personnes comme ça à se succéder, donc moi aujourd'hui, et du coup, les autres sont bénévoles, personnes ressources, référentes de certains projets, avec le temps qu'elles ont et les compétences au service de ce mouvement. Donc chacun a pu prendre un rôle qui est confortable, puisque dans sa zone de déficience, c'est-à-dire d'envie et de compétences mêlées, pour être référent après de des bénévoles qui vont venir se greffer aux différents projets qu'on développe. Mmh. Donc ces projets, c'est vraiment l'accompagnement des groupes locaux, comment on accompagne d'un point de vue technique, d'un point de vue intelligence collective, des projets, des processus de construction. Donc on va lancer là une première formation, comment concevoir et développer un incroyable jardin comestible. Donc ça c'est une formation, c'est la première formation des incroyables comestibles France, et on espère vraiment pouvoir en créer d'autres. Qui sont au plus proche des besoins des groupes, puisque nous-mêmes, on est des citoyens qui agissons sur nos territoires et dans nos groupes locaux. Donc accompagnement, mise à disposition d'outils mutualisés sur un site internet, donc outils et ressources. Comme je le fais aujourd'hui, chacun est libre de pouvoir parler aussi de cette initiative et de s'en emparer complètement. Oui, ça, donc c'est important. Aussi, ça montre l'aspect décentralisé quand même. Complètement, oui. Mmh. Complètement. Voilà, donc c'est aux groupes locaux après de mettre en place leur propre communication. Nous, on est là, moi je suis là pour répondre aux mails, au téléphone. Et je suis vraiment disponible pour ça, puisque je sais que finalement, des fois, ça tient un peu de choses. On se met des freins, on se dit « Oh là là, j'ai envie de faire, mais comment oser faire ce premier pas ?» Moi, je suis là pour faciliter ça. Et puis dire « Bah ouais, c'est possible. » Ouais, le pas, un pas à franchir qui est vraiment central, quoi. Enfin, c'est... Comme tu disais au début, c'est... comment on peut arriver devant des personnes sceptiques avec tout un argumentaire qui est déjà bien rodé. Enfin, c'est ce qu'on observe d'une manière générale dans les espaces de gratuité. Et comment on va faire pour aider à franchir ce changement de représentation sans être dans du sans être dans de l'éducation pure et dure, quoi. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais ouais. Sans être dans je comprends l'idée étant de mettre à disposition des éléments de langage On a créé un livret d'accueil qui est un travail énorme sur un an avec l'expérience qu'on a sur le terrain pour justement recenser les freins et les ressources qui vont nous permettre de dépasser ces freins. Donc à savoir la communication avec la commune, comment on pose le cadre via une convention d'occupation de l'espace public. L'idée c'est... Ces ressources-là qui deviennent des outils, on les met en libre téléchargement et après chacun va pouvoir s'en emparer et puis changer les termes qui lui convient. En tout cas, voilà, avoir ces éléments de langage, pouvoir utiliser un plaidoyer, une charte, la charte fondamentale des incroyables comestibles qui est mondiale, voilà, pour être sûr que bah, ces valeurs puissent continuer à vivre, tout simplement. Et puis bah, après, voilà, ça dépend de chaque groupe, quoi. Oui, bien sûr. Et ça dépend aussi peut-être des pouvoirs publics qui vont être plus ou moins réceptifs. Comment se positionne en général, alors, à la fois la coordination et les communautés par rapport au pouvoir public ? Est-ce que c'est bon, on fait d'abord et on voit ensuite ce que ça donne ? Ou est-ce que c'est non, bon, on fait les demandes d'autorisation et on attend de les avoir ? Parce que là, bon, du coup, ça peut rentrer dans des processus. Moi, je vais peut-être dire une bêtise, mais par exemple, ah ben non, on veut pas d'un jardin ouvert parce qu'il y a des gens qui peuvent se blesser, donc il va falloir le clôturer. Hypothèse, hein, mais donc comment ça se passe en quelques mots, hein, enfin, tu vois, pour en résumé, quoi, comment la position, on va dire. Bah, c'est ça. En fait, on peut observer que des groupes locaux démarrent tout de suite avec l'aval de la commune. On peut observer qu'il y en a qui font d'abord, qui agissent d'abord avant d'aller voir les élus. Ça dépend des quartiers, des villes, de l'amplitude aussi et de ce qu'on, on va dire, du contexte dans lequel on le fait. Ça va être très différent d'une ville rurale que d'une grande ville, voilà, avec des contextes sociaux très différents. Donc il y a effectivement des freins, aussi des bénéfices qui découlent de ces démarches. Donc c'est l'expérience qui parle. Et il est toujours mieux d'avoir l'aval des élus. Maintenant, est-ce qu'on le fait sans leur aval au début, mais on utilise cette force citoyenne qui permet de se faire entendre là où il y a un certain blocage parce qu'on sait, on a un vécu, on sait l'histoire d'une commune à un niveau politique qui... dans lequel on ne s'y retrouve pas, ça peut être ça. Dans tous les cas, l'idée étant de se rejoindre, les Incroyables Comestibles France ont cette force-là pour pouvoir donner un socle assez solide dans la communication qu'on a avec les élus. Parce qu'il y a vraiment une charte, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de garantir la sécurité, je dirais, et puis le bon déroulement de ce mouvement, quoi, qui peut se déployer. Donc oui, il y a des groupes qui cultivent d'abord avant de demander l'autorisation. Oui. Il y en a qui demandent l'autorisation, qui ne l'ont pas et qui se mettent à cultiver. Et puis, bah, c'est grâce à cette force qui se déploie que les élus écoutent ensuite. Voilà, il y a vraiment différents chemins et c'est super intéressant de voir comment on peut réaliser ça. Ouais. Enfin, et je voulais aussi dire, est-ce que le fait de rentrer dans une coopération avec les élus, donc locaux, est-ce que par moment, ça, il n'y a pas un risque de transformation du mouvement localement, hein, dans un sens qui n'est pas forcément alors compatible, on va dire, avec ces principes d'ouverture, de gratuité, mais peut-être que ça, c'est défini dans la charte, j'imagine. Enfin. Oui, voilà, on part du principe que les élus sont des citoyens de la commune aussi, qu'une commune qui veut s'emparer de ce mouvement parce que des raisons voilà, de valorisation, en fait, pourquoi pas? C'est intéressant parce que oui, ça appartient à une poignée de citoyens. Le soutien de la mairie et la mise en avant de ce mouvement peut être à des fins politiques, à des fins... Aujourd'hui, en fait, on observe cette démarche par plusieurs portes d'entrée. Je dirais que si on y met derrière le bien commun, bah, à la limite que les élus s'en emparent, qui commencent à communiquer dessus. Et il y a le respect de comment c'est né, quelle est la source de ça. Et je pense que c'est important de mettre la valeur sur... La communauté. Sur la communauté, ouais. Oui. Mais aujourd'hui, enfin, je dirais qu'en dépassant quelque part ces points de vue politiques, tout ça, l'idée étant d'agir pour ce qu'on a envie de voir émerger dans le monde, bah, ok, Ok, c'est pas facile, mais ça c'est une histoire d'ego. Il faut savoir mettre de côté ce qui ne nous appartient pas et puis se dire, ben, qu'importe, si ça peut toucher du monde, si ça prend une autre ampleur, si moi, eh ben, je suis pas trop valorisée là-dedans, mais que j'ai fait ma part, eh ben, c'est pas évident. Mais quelque part, c'est une humilité de se dire, ben, l'idée étant de laisser ça se déployer un maximum, quoi, de toucher le plus de monde possible, eh bien. Voilà, comment on choisit de se rejoindre, c'est pas évident, hein, parce qu'on l'a vécu nous avec notre municipalité. On a eu une qui a prêté son soutien. Au départ, c'était pas du tout évident, et puis c'est la force citoyenne qui a donné cette écoute. Mmh. Après, on a commencé à vraiment évoluer ensemble, et il y a un poste d'adjoint à l'environnement de créé, on a eu une convention d'espace pour cultiver l'espace public, tout ça, ça a été un chemin assez impressionnant, étonnant. Et puis, ben, il y a eu un changement de municipalité, et puis des freins, et puis une autre, voilà, une autre sensibilité à ça. Et puis aujourd'hui, ben, la municipalité où nous sommes encore, elle s'empare de cette idée, là où on l'a fait naître il y a quelques années, en disant, ben, ouais, c'est devenu une volonté politique que d'accompagner ces espaces nourriciers, et puis on en crée à ce titre-là, sans forcément parler des incroyables comestibles. Ouais, bien sûr, bon. Ouais. C'est une forme de récupération, on va dire. Ouais, alors, ouais. Mais bon. Laissons... Ouais. Laissons agir, en fait. Des citoyens rebondissent en disant « Hey, avez-vous entendu les incroyables comestibles? Est-ce qu'ils sont aussi dans le coup? Est-ce que vous choisissez de faire ça en solo ?» Bon, bah, en fait, c'est OK. Voilà, l'énergie qu'on a, il est important aussi de la préserver, d'aller à l'essentiel et de rester dans quelque chose de positif en agissant au pied de sa porte et avec des personnes qui on a envie d'agir. Et si ça se multiplie, bah, c'est tant mieux. Et si on rentre dans une lutte parce que y a cette notion de c'est moi qui ai initié ça et puis j'accepte difficilement de partager ça, bah, c'est OK aussi, mais c'est vrai qu'il faut savoir dépasser ça et se dire que c'est pour le bien commun, quoi. Bah, c'est une très très belle philosophie. Alors là, je te rejoins complètement là-dessus. Oui, c'est dépasser un peu ses individualités, l'ego, comme tu dis, et puis se dire que bon, bah, ce qu'on fait pour l'avenir aussi, le bien commun, collectif. Peu importe le nom qu'on met dessus, mais c'est quelque chose qui nous dépasse, quoi, et on en tirera un jour ou l'autre les fruits. C'est bien. Exactement. Ça, c'est les fruits. Exactement. Voilà, bon, ça, honnêtement, ça donne encore envie de parler. Notamment, moi, j'aurais bien aimé savoir un peu qu'est-ce qui se plante dans les incroyables comestibles, enfin dans les jardins qui sont mis en place. Mm. Mais on commence à être un peu short au niveau temps. Donc, Salomé, est-ce que tu aurais un message pour la fin à faire passer ou on conclut là-dessus, comme tu veux, mais... Eh bien, faut vraiment prendre le temps de ce processus qui développe en nous quelque chose de puissant. Loin d'imaginer ce qu'on sera dans les mois, dans les années à venir. Et bah, je suis dans ce parcours la première à pouvoir témoigner de ce tout est possible. Et bah, je dirais, comme dans la charte, ce qui est dit, c'est que l'abondance, c'est le fruit du partage. Voilà. Je crois que en semant des graines, on finit par récolter ça, et si on le fait sans attente, eh ben on est doublement récompensé, et en plus de ça, on fait des belles rencontres, et puis en fait, bah, ça peut vraiment changer notre vie, quoi. Et ça, c'est joyeux, et on bon, en a bah besoin. Super. On termine sur cette note joyeuse. Merci beaucoup, Salomé, d'être venue nous parler du projet des incroyables comestibles, et on te souhaite bon jardinage et bonne récolte. Merci, Benjamin, avec grand plaisir. Allez, on va s'écouter maintenant un morceau qui s'appelle Maze of Sorrow du groupe Mahi Devran. C'est parti, et on termine là-dessus l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade.